qui n'en peut plus d'être inutile. Il regarde l'horloge qui égrène ses joies trop minces. C'est un an au cœur d'argile, au sentiment devenu fossile. Il se drape dans la toge des certitudes qu'on interroge. Je ne sais pas pourquoi, lorsque la pluie trépasse, le ciel est plein de joie qui raille nos angoisses. C'est un géant un peu fier aux réponses brèves qui la serrent. Il semble pas se repentir des épreuves qui l'ont fait mentir. C'est un nain un peu secret aux rêves mièvres, aux vœux concrets. Il affecte de ne boire que les nectars d'idées trop noires. Je ne sais pas pourquoi, lorsque de guerre lasse, les hommes chassent l'effroi. J'affecte comme vous d'être un géant qui reste triste et élégant. J'ignore comme vous si demain j'accepterai de n'être qu'un nain. Je ne sais pas pourquoi, lorsque la pluie trépasse, le ciel est plein de joie qui raille nos angoisses. Je ne sais pas pourquoi, lorsque de guerre lasse, les hommes chassent les.